Psaume 138. Psaume de David. Je te célébrerai de tout mon cœur, je te psalmodierai en la présence des souverains. Je me prosternerai dans le palais de ta sainteté, et je célébrerai ton nom pour l'amour de ta bonté et de ta vérité, car tu as magnifié ta parole au-dessus de toute ta renommée. Au jour que j'ai crié, tu m'as exaucé, et tu m'as fortifié d'une nouvelle force en mon âme. Éternel, tous les rois de la terre te célébreront, quand ils auront ouï les paroles de ta bouche, et ils chanteront les voix de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Car l'Éternel est haut élevé, et il voit les choses basses, et il connaît de loin les choses élevées. Si je marche au milieu de l'adversité, tu me vivifieras, tu avanceras ta main contre la colère de mes ennemis, et ta droite me délivrera. L'Éternel achèvera ce qui me concerne. Éternel, ta bonté demeure à toujours, tu n'abandonneras point l'œuvre de tes mains.